En embarquant pour la Nouvelle-France, je suis parti sur un coup de tête, comme j'ai toujours mené ma vie. Je ne le regrette même pas. C'est cette barque qui me rend mélancolique. C'est à mon père que je pense. Ce qui nous attend n'a pourtant rien à voir avec les parties de pêche de mon enfance. Sans un mot, nous montons à bord. Pas de comité de départ. Nous savons où nous allons. On ne nous a pas laissé le choix. Le fleuve ne me fait pas peur. J'ai appris à le connaître. Par fierté, je m'efforce de ne pas jeter de coup d'œil en arrière. Tous mes compagnons ont le même réflexe. Alors que nous sommes déjà assez loin du rivage, une parole s'élève derrière nous, et je crois reconnaître la voix d'un jeune capitaine. « Bonne chance. Revenez tous. » Aucun de nous n'y prête attention. Sans nous concerter, ne serait-ce que d'un regard, nous agissons comme un seul homme. Ce sursaut d'orgueil nous réunit, et pour la première fois depuis le début du jour, je ressens comme une sorte de soulagement à l'idée de laisser cette ville derrière moi. Je me sens envahi par une étrange légèreté, et je me surprends même à sourire. À ce moment, nous formons un groupe pour la première fois. Avec ces hommes-là, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Nous nous sommes tous mis à pagayer avec une énergie folle. Nous avançons plus vite que je ne l'aurais cru. Les courants ne sont pas forts, le fleuve ne résiste pas. Partir, une fois de plus. Fuir. Je ne regrette rien. Je n'ai rien à perdre. Mais si je pouvais encore une fois serrer mon père dans mes bras. Pourquoi m'abandonnes-tu ? Ce sont ses derniers mots, le jour du départ. Je n'ai rien trouvé à répondre.